Chapitre 2e, le baron Yalich. Nous sommes à Paris, aux Champs-Élysées, dans un des hôtels splendides qui se sont élevés sous l'administration du baron Haussmann. La comtesse Burnorf, dans son boudoir, est aux mains de son coiffeur. Il est 2 heures après-midi. En ce moment, on gratte à la porte. Une femme de chambre entre et dit à la comtesse « Monsieur le baron demande si madame peut le recevoir. » « Dans un instant, je suis à lui, » répond la jeune femme. Elle fait signe au coiffeur de se hâter. Celui-ci s'empresse. Dans le salon voisin se promène un homme de 40 environ, grand, mince, sec, nerveux, portant les moustaches et l'impérial, serré dans une redingote noire, ayant l'air d'un officier ou plutôt s'en donnant l'air. Le profil du visage se découpe mince et aquilin. L'œil est jaune, brillant, métallique, comme celui du faucon. Le teint est basané. Le cou maigre se gonfle d'une pomme d'Adam qui monte et redescend d'une façon dédaigneuse à chaque mouvement. Les lèvres minces sont serrées, comme si jamais elles ne devaient s'ouvrir au sourire. Le front fuit sous les cheveux noirs. L'aspect général est celui d'un homme de proie, de rapine et de violence. Le baron doit appartenir à l'espèce des rapaces. Mais sans être élégant, il est bien mis. Sans être distingué, il est hautain. Une rosette d'officier d'un ordre étranger orne sa boutonnière. Il est commissionné major en Autriche. On l'accepte dans tous les cercles. Il est connu à Paris depuis 10 ans. Sa réputation est suffisamment bonne pour qu'il passe la tête partout. Lorsque la comtesse entra, le major se retourna et l'observateur attentif, qui eut comparé ces deux visages si différents d'expression, le russe cependant trouvait des airs de famille. La jeune femme revoyait sans doute le baron après une longue absence, car elle éprouvait une vive émotion. Elle serra cordialement la main du baron et, ouvrant la porte d'un petit salon communiquant avec le grand, elle s'y enferma avec lui. « Ici, Yalich, lui dit-elle, tu peux parler. »« En es-tu sûr ? » demanda-t-il avec défiance. « J'ai trop souvent à causer de choses graves pour ne pas avoir pris mes précautions, » répondit la jeune femme. « La police de Paris est autrement fine et défiante que celle de Saint-Pétersbourg ou de Vienne. Tout étrangère est surveillée, » observa le baron. « Je le sais et je me tiens en garde. » Mais quand je t'affirme que tu peux parler, tu dois m'en croire. » Le baron regarda autour de lui et demanda « À gauche, ici, qu'y a-t-il ? » « Un cabinet de toilette, » dit la comtesse, « avec une seule issue sur la pièce que nous occupons. » « Et ici, à droite ? » demanda le baron, toujours soupçonneux. « Un mur donnant sur la rue. Devant nous, cette fenêtre et l'avenue. Derrière nous, le grand salon. » « Alors, causons. » Et le baron se mit à l'aise. La comtesse attendait avec une anxiété dissimulée des révélations. Elle était impassible mais fort pâle. « As-tu réussi ? » demanda-t-elle. Sa voix tremblait légèrement. « Oui, le duc est mort à cette heure. »« Mort ? » murmura-t-elle. « Enfin !»« Mort !» reprit le baron, dans toutes les conditions du programme. Il fallait qu'il périt, mais que son corps ne fût retrouvé qu'après un certain temps. Alors que nous aurions exterminé toute cette bande d'héritiers qui partagera avec nous cette fortune. Nous avons devant nous autant de temps, plus même qu'il n'en faut, pour réaliser notre plan. Tu en es sûr ? Le baron secoua la tête et dit avec une conviction joyeuse, « Comme je l'avais prévu, ce voyage du duc en Égypte devait lui être fatal, moi aidant. À cette heure, lui, son secrétaire et son valet de chambre, dorment du dernier sommeil sous les pierres amoncelées par une explosion dans l'intérieur d'une pyramide. » La comtesse buvait toutes les paroles de son frère. « Donne-moi tous les détails, Yalich. « Je veux être certaine, bien certaine, qu'il est mort, » fit-elle. « Ma chère, » dit le baron, « tu sais que le duc s'était mis en tête, en original qu'il était, de découvrir le secret des pyramides. Elles ont donc des mystères, sans doute. Personne jusqu'ici n'a pu dire avec certitude pourquoi elles ont été construites. Le duc pensa que son immense fortune aidant, il pourrait, en étudiant le problème, trouver une solution. Il partit pour l'Égypte avec son secrétaire et son valet de chambre. Il loua les services d'une troupe d'Arabes et il établit un camp dans la région des pyramides, y poursuivant ses recherches. Et tu le surveillais, à son insu. Il ne me connaissait point. J'étais déguisé en arabe. Ceux qu'il prenait pour des bédouins, guides à sa solde, étaient une troupe de notre tzigane et de notre tribu. Il me fut facile d'exécuter mon projet. Ce n'étaient point les grandes pyramides connues et décrites que visitait le duc, mais les petites, celles que négligent les touristes. Un jour, le duc et les siens furent ensevelis par la chute d'une énorme masse de pierre, qu'amoncela l'explosion d'une mine préparée par moi. Nous sommes restés ensuite 17 jours campés autour de la pyramide qui servait de tombe au duc. Il n'y a pas d'homme au monde capable de vivre si longtemps sans boire ni manger. Le duc est donc mort, bien mort. Nos cohéritiers vont bientôt se remuer, car on parlera de la disparition mystérieuse du duc, observa la comtesse. On en a déjà parlé. La patrie, d'après les journaux égyptiens, a publié un entrefilet, et l'un de nos cousins a convoqué chez lui tous les héritiers connus ou inconnus du duc pour aviser à faire constater sa mort. Iras-tu à cette réunion ? Oui, certes, et toi aussi. Moi, pour quoi faire ? Pour affirmer nos droits, connaître tout ce monde plus à fond, et voir s'il ne surgira pas des parents qui ne seraient encore inconnus. Soit, j'irai. À quelle adresse, Yalich ? Voici l'entrefilet de la patrie, dit le baron. Il contient l'adresse. Bien, dit la comtesse. Puis, souriant, à mon tour maintenant. Tu as trouvé quelque chose ? Oui, dit-elle. Nous avons une bataille à livrer, plus de 100 personnes à faire disparaître. Nous ne pouvons employer le poison qui laisse des traces, le poignard qui rébaisse souvent la main du meurtrier, le pistolet qui est une arme trop bruyante. Tout ce monde doit mourir par accident. Et nous avons un immense choix, dit le baron. Les uns se noieront, les autres seront brûlés dans un incendie, d'autres seront tués en duel, d'autres... La comtesse arrêta d'un geste l'énumération effrayante que faisait son frère avec un calme cynique. « Cher, dit-elle, il faut prévoir le cas où quelques-uns survivraient. Il y a des gens qui ont une chance inouïe, et la vie est très dure. Or, j'ai trouvé une arme terrible dont tu seras toi-même épouvanté. « Oh oh !» fit le baron d'un air de doute. « Nous allons voir, dit la comtesse. « Viens !» Il conduisit son frère au troisième étage de l'hôtel qui lui appartenait tout entier.